Les artistes font des trucs bizarres, moi c'est peut-être normal parce que là c'est hors sujet. Dedans ou dehors je suis, j'ai envie d'atteindre une fois dans ma vie un point. J'ai l'amour c'est comme le rap, c'est vieux et con comme le pape. Avant les jeunes dansaient grave et aujourd'hui ils pensent qu'à rentrer dans le système et à braquer. Et papy y'a plus de papier pour essuyer la merde de ceux qui aiment papillonner. Je commence à avoir du mal à tenir, mon humeur change sans cesse, ma dépression empire depuis que j'ai arrêté de boire. J'écoute du métal à don pour pas me lâcher, chialer, personne veut me lécher ma vie foire. Le temps passe lentement et la vie va trop vite, moi j'ai tout raté à rapper pendant que les autres se font sucer la bite. Si je fais pas de musique, je meurs, même les flics sont intégrés dans les mœurs. Je tiens plus les cours, j'en peux plus, les données remplies dans ma cervelle. Elle est trop remplie par le peu de petites images que j'ai d'elle. Qu'est-ce qui m'a pris de l'aimer, qu'est-ce qui m'a pris d'espérer. J'ai essayé de faire comme si c'était rien, je peux pas, c'est comme du sang sur les mains. Ma famille part en couille, moi des couilles j'en ai pas, et pourtant on me fouille. Putain je veux pas dormir, non. Putain, j'ai besoin de café. Je reste accroché au café. Et si on parle de ce que je n'ai pas fait, je suis en café. Comme un malfaiteur, maman bobo, je suis mal fait. J'arrête l'alcool pour pas mouffler. Casse la gueule à ceux qui veulent le café. C'est pour ça que ma morpho va morfler. Attention, je m'en pars faux. Énerve la mort avec sa faux, avec sa parade. Je reste accroché au café. Casser avec. Il n'en était pas question, je jure sur la tête de mon caisson. Je sors même pas avec elle de façon. Question débile quand j'accoste un fiston. Pas avant ma mort sans façon. Je reste un faucon, un vrai faucon. Je reste libre comme une chiotte de café. Mais quand même, qu'est-ce qui m'a pris de t'aimer. Putain de France de merde, on critique l'étranger. Mais c'est dans un film anti-français, y'a pas d'acteur. C'est go électeur comme deux bises, il fait censurer. De façon électorale ou pas, j'aime ni les campagnes ni les cités. À foutre le feu à l'Elysée, on devrait inciter plutôt que de voter. Se croire gentil plutôt que de soutenir le système et les raconteurs de conneries. De façon, j'aime personne à part. Ma peau pleine d'eczéma et rose, un silence taché de sang, du sang plus rouge que des lèvres pleines de vin communiste. À propos de politique, n'oublions pas que le cœur est à gauche. Ta haine, je m'en mets plein les poches, sous mes yeux des poches. Je chie des gueules et repars ta Porsche, ton Porsche. Mais j'aime pas ton chez toi, Ziva, ouvre pas ta porte. Y'a avec eux, sinon ma vertu est morte. Mens sur moi, putain fait chier. J'arrive trop à dormir, il me faut du café. Je reste accroché au café. Et si on parle de ce que je n'ai pas fait, je suis en café. Comme un malfaiteur, maman bobo, je suis mal fait. J'arrête l'alcool pour pas mouffler. Casse la gueule à ceux qui veulent le café. C'est pour ça que ma morpho va morfler. Attention, je m'en pars faux. Énerve la mort avec sa faux, avec sa parade. Je reste accroché au café. Parle de moi, ma vie, de l'amour et des bouteilles d'alcool. Pour tenir, j'ai que ça l'art. Si je peux pas y toucher, je tabasse ce connard à boire du café. Écoutez, captez mon message, puisque mes déclarations d'amour sont ridicules. Non, je ne suis pas sage, mais je l'aime et je m'en fous de l'encule. Et y'a que du noir, pas de marteau, pas de fossile, que de l'enclume. Je pense à la misère du monde, aux enfants découpés en morceaux, sans qu'il y a bon. Et moi, chaque jour, je la bois et j'encaisse. Je veux pas crever, pour tenir, je me mets des caisses. Pour ma psychologie, t'en as pour au moins une vie d'enquête. Mon écriture est particulière, ton cerveau dans ma petite cuillère, ça part en couille en fourrière. Je suis fou avec ma bière, les arts plastiques, le fauvisme, le cubisme, nique sa mère, le phobe qui s'emmêle en moi, tu fais la tête carrée, chirurgie. J'en suis fier, pour m'attirer la misère à fleur de peau, j'ai le flair. Putain fait chier, c'est l'été, la saison pour copuler, le matin fait jour. J'aime l'obscurité, je supporte plus le cours. Ils sont comme ma vie, où je suis en retard, en avance, en essayant de mettre fin à leur jour. Laisse tomber, je m'endors, plus besoin de café, mais je continue à en prendre, sinon je bois comme un cul. Eh, je suis trop déprécié pour qu'on me donne le droit de voir la gaieté. Et quelle autre rime t'attendait. Je reste accroché au café. Et si on parle de ce que je n'ai pas fait, je suis en café. Comme un malfaiteur, maman bobo, je suis mal fait. J'arrête l'alcool pour pas mouffler. Casse la gueule à ceux qui veulent le café. C'est pour ça que ma morpho va morfler. Attention, je m'en pars faux. Énerve la mort avec sa faux, avec sa parade. Je reste accroché au café. Tiens, autre chose que les murs. Faut que je tienne autrement. Maintenant que j'ai plus d'espoir. Tenir. Faut que je tienne. Faut que je tienne un coup. Faut que je tienne les coups.